Donc, pour cette deuxième table ronde, on va aborder le sujet donc, de la dissociation des figures hommes, œuvres, artistes et leur relation avec les violences sexistes et sexuelles dans les milieux de la culture. Alors, pour introduire brièvement, on a vu un peu un regain d'intérêt pour ces polémiques depuis MeToo. Ça a fait un peu réémerger ce débat. Est-ce que on a vu aussi l'intervention de Gisèle Sapiro tout à l'heure. Est-ce qu'on voit que cette dissociation, au final, est-ce que c'est un débat moral? Est-ce que vous pensez, je pense notamment Delphine, Lula, vous qui êtes artiste, peut-être Val aussi, vous qui êtes artiste, est-ce qu'il est possible pour un ou une artiste de ne pas mettre de soi, en fait, de ses prises de position, de ses convictions au sein de l'œuvre? Et du coup, est-ce qu'il est possible de ne pas identifier finalement l'homme dans son œuvre? Alors, différencier l'homme de l'artiste, pour moi, c'est pas possible parce que c'est la même personne. Différencier l'œuvre de l'artiste, pour moi, ça me semble déjà plus ok. Mais, c'est difficile de passer après l'intervention de Mme Sapiro parce que c'était vraiment, il y avait vraiment beaucoup de choses très complètes. Mais ça dépend, comme elle le disait, est-ce que ça se reflète dans l'œuvre? Comme pour Matzneff, en fait. Je veux dire, au bout d'un moment, il y a aussi des... Et puis aussi, quel type d'œuvre, entre guillemets, pour les artistes qui sont... dont on voit la personne, les comédiens, les chanteurs qui sont sur scène, et le rôle qu'ils occupent, c'est compliqué. C'est compliqué pour moi quand un artiste s'exclame à quel point il violente les femmes dans son morceau. Je parle pas du cas d'Orelsan qui lui jouait un personnage, mais dans la culture alternative, enfin, il faut comprendre que la violence envers les femmes, Kevin, ne fait pas de toi quelqu'un d'alternatif, ça fait de toi un gros connard. Ça dépend en fait de beaucoup de facteurs. Un musicien, elle, je crois qu'elle a tout dit en vrai. Hein, si c'est dans le cadre du travail, si c'est à côté, quelle est la persona en fait, le rôle. Si on le voit, la voix, ça a quelque chose de très. On parlait de Quentin tout à l'heure. Même si je peux comprendre que les personnes écoutent du Noir Désir des années 90, maintenant, même si à l'époque il n'avait rien fait, pas envie, quoi, parce que ce qui se passe. Donc je pense que ça dépend vraiment du domaine et de ce qu'il représente. Et parallèlement, je peux m'émerveiller devant un Picasso, alors que franchement, Picasso... Donc c'est une question super compliquée pour moi. Plus facile, l'œuvre de l'homme, et l'homme, il est un peu partout. Ça reste très très compliqué, ouais, selon les domaines, je trouve. Déjà, je veux dire que genre, on parle vraiment, je pense toutes de notre point de vue vraiment subjectif. Moi, je fais pas de recherche là-dessus. C'est pas comme on en parlait toutes les deux, c'est pas mon travail, c'est pas le sujet sur lequel je bosse au quotidien. Mais je pense que du coup de mon expérience, cette idée qu'on a probablement en Europe, en Occident, de se penser qu'il y a l'œuvre et le parcours de l'artiste et sa vie et qu'on peut regarder l'un et l'autre de façon indépendante, c'est vraiment une vaste illusion, parce qu'en fait on sait très bien du moment qu'on commence à faire des études d'art ou à essayer d'être artiste que notre réussite en tant qu'artiste dépend de notre provenance sociale, de qui sont nos parents, de comment est-ce qu'on a été éduqué, comment est-ce qu'on nous éduque à prendre la parole, je pense qu'on le voit bien à différents moments de nos carrières, les gens qui en fait ont un travail artistique vraiment passionnant et qui d'un coup disparaissent complètement des radars parce qu'ils ont plus de thunes, parce que ils font des enfants, parce que ils se sont fait, ils ont été violés, parce qu'ils ont été harcelés. Ça aussi, ça fait partie. Je veux dire, c'est on peut pas dissocier ça du tout en fait. Donc ça peut pas être une question morale en fait, c'est vraiment une question de pourquoi est-ce qu'on a besoin de créer cette illusion de l'œuvre existe au-delà de la vie, au-delà des relations sociales des artistes. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de cette illusion là? Autre peut-être question que ça pose, je fais référence notamment à la phrase de Virginie Despentes qui expliquait après l'affaire des Césars qu'il était impossible de dissocier le corps blessé qui a subi un viol de la femme qui détient ce corps, de la femme ou autre, hein, d'ailleurs. De la même façon, il sera sans doute compliqué de distinguer l'homme de sa carrière ou de sa situation lorsqu'il n'est pas artiste. Par exemple, un boulanger, un électricien, un plombier, on va pas lui demander, on va pas lui dire magnifique ce tuyau de canalisation. On passe outre ces faits qui sont très préjudiciables. Est-ce que du coup ça pose l'artiste en tant que quelqu'un qui est intouchable et par quel processus en fait on le rend intouchable du coup ? Alors dans les mécanismes des violences sexistes et sexuelles, il y a une des mécaniques qui est mise en place régulièrement par les auteurs, majoritairement les auteurs et de temps en temps des autrices, qui s'appelle impunabilité, c'est-à-dire de se mettre en posture d'être quelqu'un qu'on ne peut pas soupçonner d'être violent ou d'être un agresseur. Et pour moi, cette posture d'artiste fait partie d'un de ces mécanismes aussi, qui est parce qu'on est artiste, on ne peut pas être auteur ou autrice. C'est aussi se mettre dans cette posture d'être intouchable, de ne pas pouvoir être soupçonné de, parce qu'on est un artiste. Et que si on est un artiste, de fait, on est quelqu'un d'humainement bien. Je vais rebondir là-dessus, parce que je pense que c'est peut-être ce qu'il y a de plus intéressant là-dedans. À mon avis, c'est beaucoup la possibilité d'être moins inquiété que le plombier qui fait par ailleurs des super tuyaux. C'est très certainement lié au pouvoir, d'une part, et d'autre part, dans le milieu artistique, moi, j'ai l'impression que ça va un peu avec l'image bohème de l'art. Vous savez, tout ce qui consisterait à dire que finalement l'art, c'est pas vraiment du travail, c'est plutôt du talent. Que voilà, il y a plus de biais en fait avec le domaine artistique, parce que l'artiste peut se cacher derrière sa liberté de création, derrière sa liberté d'expression, là où le plombier, bon, voilà, un tuyau est un tuyau, même s'il est bien fait, il est bien fait. Véritablement, et je pense que ça va avec une certaine forme d'imaginaire collectif qu'on peut avoir autour de l'art et de la position d'artiste, que Val, tu disais, l'artiste serait en dessous de tout soupçon, puisque de toute façon, il est globalement de gauche, humaniste, gentil, et voilà, et ce qui... par ailleurs, ne l'empêche pas à certains moments de commettre des actes absolument déplorables. Et ça met en place aussi des zones de flou, quoi. On le voit bien, notamment dans tous ces artistes qui aujourd'hui sont... contre lesquels il y a des plaintes, notamment des plaintes de pédocriminalité, hein, il faut quand même bien dire ce mot-là, et de cacher... et de justifier, en fait, ces actes qui sont sanctionnés et qui sont répréhensibles parce que on s'exprime, c'est des gens pas comme les autres, ils vivent dans un univers ou un monde parallèle, mais qui alimente la richesse de leur création et qui donc justifie, en fait, des comportements qui sont sanctionnables et qui sont interdits, quoi. De fait, moi j'ai toujours aujourd'hui ce alors là je vais mettre un peu les pieds dans le plat sur Gainsbourg. Voilà, Gainsbourg, bon, aujourd'hui aucune accusation, aucun fait qui ressort, mais quand même ce qu'il portait comme parole et notamment sur l'inceste est quand même super problématique. mais c'est Gainsbourg. C'était l'artiste brillant, tout le monde le respectait. Il s'était emprunt de cette bulle-là pour avoir des discours inappropriés, portés dans son œuvre et sans aucune conscience du rôle social de l'artiste. Parce qu'un artiste, c'est pas une personne comme les autres. Ça, un artiste a un rôle politique, a un rôle social, et je pense que effectivement, ça c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Et quand on parle, par exemple, de l'affaire Conta, avec oui, ben il a purgé sa peine, il a été condamné. Ça porte aussi le débat de la réinsertion et de la seconde chance, qui pourrait et qui est admis et qu'il faut qu'il y ait la deuxième chance. Mais un artiste qui monte sur une scène, qui s'exprime à un public, une large audience, n'est pas monsieur tout le monde. Et sa posture est de fait politique et politisé, et que ce rôle et cet impact n'est pas celui du plombier ou de l'infirmier, ou la portance de la discours ou de la symbolique n'est pas la même. Si je peux me permettre, ce qui est intéressant là-dedans, je trouve, c'est qu'il y a aussi beaucoup d'artistes qui n'en veulent pas de cette position-là. Aujourd'hui, c'est peut-être ça qui est problématique. Tu vois, cette position politique, cette position militante, parce que tu donnes à voir une certaine vision du monde. Il y a certains artistes aujourd'hui qui te disent « Moi, je suis chanteur, je viens, je chante, je m'en vais, je veux pas avoir à répondre de quoi que ce soit. » Et je dis pas que c'est bien. C'est pas du tout une prise de position de ma part. Hein, simplement, voilà. Je suis hyper d'accord, mais par contre, c'est nier de fait l'essence même de monter sur une scène, d'exposer un tableau ou de jouer. Ou d'être filmé et d'être porté aux yeux et partager son travail avec du public, quoi. C'est l'essence même du coup du travail artistique et de l'artiste qui renie. Moi, ce que je trouvais intéressant, c'est ce que tu avais dit sur le c'est la vision qu'on a des artistes, et en fait ce qu'il est où on oublie que les artistes, en fait, il y a plusieurs facteurs. On a tendance à voir des artistes comme des êtres doués, qui auraient reçu un don de naissance. Alors, ça arrive, certes, mais c'est aussi beaucoup de travail et ou de relations. On voit beaucoup d'artistes qui sont ce qu'on appelle des nepo babies, c'est-à-dire où papa et maman ont déjà une situation plutôt bien confortable dans le milieu du cinéma et de la musique, et qui va faire d'eux des artistes, mais sans trop lever le petit doigt. Et en fait, mais ça, c'est mon point de vue. Tant qu'on verra les artistes, tant qu'on notera la dimension travail chez certains artistes, tant qu'on les verra avec comme s'ils étaient doués, des divinités, eh bien, ça nous mettra toujours dans une position de à prendre ou à laisser, take it or leave it. Ah oui, pour avoir le talent de machin, son don inouï, eh bien, il faut accepter toutes ces exactions, et c'est ça qui est pas possible, en fait. C'est que oui, on peut s'en passer, et oui, tu peux être talentueux sans faire ça. Et cette déification qu'on a des artistes comme s'ils étaient incroyables, des créatures peut-être surnaturelles ou quoi, ça fait que on les traite pas pareil, et on leur passe des choses qui ne doivent pas être passées, en fait. Et quant à certains artistes qui ne prennent pas position, et il existe des artistes de droite, hein, ça existe, mais il existe des personnes qui se tiennent comme juste, qui sont là pour du divertissement. Et la position d'artiste, il y en a qui sont engagés, il y en a qui veulent juste chanter. C'est encore compliqué, mais je pense qu'effectivement, avoir une telle aura et pas propager, de belles, effectivement, ils sont pas monsieur et madame tout le monde, et leur parole a pas le même poids, et déifier certaines personnes, ça n'a pas le même poids, et ça en dit beaucoup sur qui on met en avant, voilà. Ce que je vois et qui ressort de vos quatre discours, c'est qu'il y a deux choses. L'une, c'est effectivement, c'est la liberté d'expression. Du coup, ça permet de se cacher souvent sous ce discours de « je peux tout dire parce que on a la liberté d'expression en France, et du coup, c'est permis, c'est OK ». Et puis, effectivement, cette notion de talent, de génie, de don, qui cache du coup un peu tout ce processus aussi qui... tout ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire que ça nous empêche de voir aussi que les personnes qu'on considère comme avoir du talent, c'est souvent des personnes de genre masculin, blanches, qui viennent d'une catégorie sociale assez aisée, etc. Donc ça prend en compte plusieurs facteurs. Et on peut voir aussi que du coup, il y a des artistes qui ne sont pas considérés exactement de la même façon et qui n'ont pas la possibilité de se cacher derrière la liberté d'expression de la même façon. Alors là, je vais sortir un petit peu de la problématique de genre, mais on voit notamment que, par exemple, Nick Conrad, avec son clip « Pendez les Blancs », il a été condamné malgré cette fameuse liberté d'expression, et que on n'a pas... par exemple, ça n'arrive pas avec d'autres artistes qui pourtant sortent des œuvres plus ou moins un peu répréhensible. Je pense par exemple à Bastien Vivès, qui a quand même été interdit du Festival d'Angoulême, mais on va dire que en tout cas il n'a pas été condamné. Et puis ça pose aussi la question de la, effectivement, de, tu parlais de Kanta, la possibilité de rédemption. La rédemption, on l'accorde par exemple à Bertrand Kanta, mais on voit par exemple dans le procès Johnny Depp Amber Heard. Les deux n'ont pas eu la même possibilité de rédemption. Johnny Depp, aujourd'hui, il est OK, alors qu'il a été jugé coupable, tandis qu'Amber Heard, a priori, sa carrière est ruinée à tout jamais. Est-ce que ça interroge sur la légitimité culturelle, du coup, ces phénomènes-là? Et est-ce que ça pose la question de ce qui peut être de la culture légitime ou pas? Et qui devient légitime en tant qu'artiste, du coup? Répondez pas tout en même temps. Mais en fait, c'est tellement très, très très vaste question, parce que je pense que ça interroge comment est-ce qu'on fabrique de la culture, et encore de notre point de vue occidental. C'est-à-dire, à la fin de... on a bien vu les statistiques ce matin, c'était quoi? C'est 70% d'étudiantes en école d'art pour au final une minorité qui sort. Et en fait derrière ça, il faut vraiment se poser les questions matérielles de qui peut devenir artiste, grâce à quel réseau, grâce à quel argent, grâce à quelle cooptation. Et nous, je veux dire, en étant en école d'art ou en travaillant dans ces environnements-là, on y est. Je veux dire, c'est des choses... vous verrez peut-être plus tard quand on fera le compte-rendu de notre atelier d'écriture d'hier, mais on est confrontés tout le temps. Je veux dire, il y a... Qui peut obtenir l'argent, qui peut obtenir les contacts, qui peut avoir assez confiance pour parler aux personnes qui comptent, entre guillemets, au moment où il faut vendre son travail. Et ça, c'est des choses où on a juste l'impression... Moi, je me souviens vraiment de quand j'ai commencé les études d'art, quand j'étais au lycée, en art plastique, et que j'étais trop contente d'aller dans des musées. Je me disais, waouh, l'artiste, il y a un univers incroyable, etc. Et en fait, maintenant, quand je vais dans un musée, j'ai vraiment beaucoup de mal à aller dans des musées d'art contemporain, parce que je vois très bien tout le système qu'il y a derrière, c'est-à-dire qui était pote avec qui a couché avec qui a protégé qui a été coopté par tel prof cis blanc riche qui est trouvé à nouveau... s'entend très bien et protège ses petits poulains après. Et en fait, c'est insupportable. À la fin, j'ai l'impression de me dire, mais je ne vois pas de l'art, je vois de la reproduction sociale, vraiment. Super intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai, autant les musées, c'est, même si j'aime beaucoup y traîner, c'est pas mon milieu. Moi, c'est le milieu musical et je vois pas tout ça. Alors que je suis capable de sortir les MeToo de tous les groupes indépendants qu'il y a autour, tu vois. Et c'est vrai qu'il y a aussi cette... ça serait intéressant de savoir, dans les milieux concernés, ce qu'en pensent les gens du milieu, et voir à quel point les artistes problématiques survivent par le silence et le fait que tout le monde ignore ce qui se passe, en fait, aussi, parce qu'autant il y a un petit noyau dur qui sait, et voir d'où la nécessité de que tout le monde parle, en fait. En plus, il y a personne qui sont au courant, au moins on pourra cautionner ce genre de comportement et de moyens de pression et de reproduction de systèmes de pouvoir et de domination qui existent, quoi. J'aurais envie d'ajouter juste la précarité de nos métiers. font qu'en fait on ne peut pas parler si facilement. Je veux dire, je pense qu'on a tous ici des exemples de gens qui ont eu des comportements racistes, sexistes, transphobes, vraiment des trucs vraiment dégueulasses. Mais en fait, c'est difficile d'en parler parce que même quand on en parle déjà, en fait, on essaie de nous faire taire. En nous mettant des coups de pression, en disant t'es sûr que t'as vraiment vu ça, j'ai une autre version, puis en fait c'était peut-être juste une blague, puis tu sais comme il est, et on essaie de nous faire douter de nous-mêmes, on nous fait de la manipulation, et puis après en fait, on a aussi besoin d'argent pour faire, on a besoin de contact, et parler ça nous met concrètement en danger de perdre tout ce soutien là. Et en fait, en plus c'est une espèce de cercle vicieux, puisqu'on sait très bien que c'est si compliqué d'obtenir de l'argent, d'obtenir une scène, d'obtenir ce capital social pour vivre de son métier d'artiste. Qu'est-ce que je voulais dire ? Les quelques personnes qui arrivent, en plus, on les encense. Il y a tout ce mythe du génie où, justement, voilà, c'est comme je vous disais quand j'étais avant de faire mes études, je me disais, waouh, super, des artistes. S'il a réussi, c'est parce qu'il doit être vraiment, il doit avoir un univers particulier, un truc. Non, c'est parce qu'il a des potes et des parents riches. Et du coup, je sais plus ce que je voulais rajouter après ça. Et que, en fait, probablement, s'il y avait des systèmes qui seraient mis en place économiquement pour nous soutenir, en fait, montrer les artistes, moi, comme des exceptions, comme des génies avec un talent inhérent, mais comme un travail qui est collectif, parce qu'en tant qu'artiste, on fait qu'échanger, discuter, s'inspirer les uns les autres. Derrière chaque individu artiste, il y a toute une bande de potes, il y a toujours des amis, il y a des amants, il y a des parents qui aident, et en fait on voit qu'une personne, et ça renforce notre idée d'un artiste, un génie, et en fait non, mais si on avait, je pense, des conditions moins précaires, ce serait beaucoup moins difficile d'éviter ce délire autour du génie, et aussi de pouvoir obtenir une justice sociale quand il y en a besoin, quoi. C'est vrai. Je voudrais juste ajouter un truc sur le fait de pourquoi ils continuent à avoir, enfin pourquoi on n'arrive pas à se débarrasser de ce genre de personnes. C'est aussi, enfin, l'accueil de la parole des victimes, ou alors des paroles qui dérangent. La problématique, c'est que quand une victime parle et qu'elle fait exploser un truc, elle dérange en fait l'ordre et la hiérarchie établie. Et une victime qui parle d'inceste au sein de sa famille, bah d'un coup, on lui en veut à elle, parce que avant qu'elle parle, tout allait bien et aucune dynamique n'était perturbée. Et c'est exactement ce qui se passe dans tous les milieux. Donc il y a l'accueil des paroles des victimes et savoir en fait se dire que oui, c'est pas ce qu'on imaginait, cet artiste là et ne pas focaliser l'attention sur la victime en disant putain, mais c'est elle fout la merde, tout allait très bien. J'ai pu vivre cette expérience, moi, quand j'ai été sélectionnée au Printemps de Bourges, où il y avait une sorte de table ronde comme ça. Et faut voir, je parlais pas en tant que victime, moi, de mon cas personnel, hein, mais de manière générale, faut voir l'ambiance que ça a mis, hein. Et pourtant, on est avec des groupes, enfin, qui ont tous un peu le même âge. C'est avec des personnes qui sont bienveillantes, mais il y a plusieurs choses. Ça renverse l'ordre, la dynamique établie. On n'aime pas les gens qui se plaignent. Donc en fait, c'est difficile. C'est-à-dire qu'en plus de vivre des choses de merde, faut pas se plaindre et il faut aller de l'avant. Donc c'est l'accueil des paroles des victimes qui va être primordial, mais ça change parce que, et ça c'est mon expérience tout à fait personnelle, sur une salle là pour laquelle j'ai joué fin 2023, j'ai vu que sur le même festival, il y avait la personne qui m'a agressée et violentée en programmation. J'en ai parlé au programmateur, mais coup de bol pour moi, c'est que moi j'avais des preuves légales et juridiques de mon agression, et le programmateur, qui pourtant est un homme cis blanc qui doit avoir 60 ans. Alors que moi, j'avais très peur de porter plainte. J'avais déjà porté plainte, mais j'avais très peur des conséquences. Il l'a pris sur lui et il a été exemplaire. Donc tout espoir n'est pas perdu. Ça avance. Mais pourquoi ? Mais parce qu'il a su accueillir ma parole, pas la remettre en cause et agir en disant, ou même moi j'avais peur, et dit oui, mais je suis désolée, mais il faut commencer quelque part si tu veux. Il va falloir que tu prennes, entre guillemets, cette responsabilité, mais il faut commencer. Donc l'accueil de la parole des femmes et des victimes, et pas que des femmes, parce qu'il n'y a pas que les femmes qui sont victimes, absolument toutes les minorités, c'est là que ça commence, en vrai. Hein. Toutes les minorités, et même des mecs cis hétéros, sont aussi victimes. Oui, non, mais c'est vrai. Et du coup, alors ça, c'est le côté super positif, en fait, des injonctions de formation qui ont été faites ces dernières années et qui imposent une sensibilisation aux violences sexistes et sexuelles dans le milieu. Alors nous, pour intervenir hein, dans des structures, accompagner soit des équipes salariées, soit des équipes bénévoles, comme par exemple on a pu le faire au Forestival entre autres, on voit bien à quel moment ces formations déclenche et conscientise, déclenche des propres réflexions en fait et des propres sensibilisations. Et arriver à caractériser une violence sexiste et sexuelle, ça sert d'une part à savoir déjà quand on l'a subi. Et ça, c'est important parce qu'on ne le sait pas toujours, ou en tout cas, on la minimise, ou on ne veut pas la confronter. Mais ça sert aussi à savoir quand est-ce qu'on l'applique. Et parce que, dans de multiples reprises et de multiples cas, on s'aperçoit que, pour plein de gens, tel type d'action ou tel type d'action n'est pas une violence sexiste et sexuelle. Parce que ça a été banalisé. Et donc prendre conscience, et ça arrive fréquemment au cours des formations où des hommes cis prennent conscience qu'eux-mêmes ont pu être auteurs, ça bouleverse, mais c'est important pour éveiller les consciences et prendre en compte la parole des victimes. Et les formations aussi, et la formation, la pédagogie aide aussi à recueillir correctement une libération de parole. Voilà. En tout cas, à ne pas mal la recueillir, et parce que cette première libération de parole dessine tout le destin du traumatisme et des syndromes post-traumatiques que vont pouvoir déclencher une victime. Voilà. Donc la pédagogie, l'accompagnement, la sensibilisation, c'est fondamental pour ouvrir la réception et la croyance en parole des victimes, en sachant qu'aujourd'hui, il faut quand même, elle parlait des fakes tout à l'heure, les fakes sont vraiment très peu nombreux, il y en a, mais quand on sait qu'il y a 11% des victimes estimées qui vont déposer plainte, que sur ces 11%, il y a un tiers de ces plaintes qui vont aller au-delà du classement sans suite, donc deux tiers classés sans suite, que quand on accompagne des victimes ou qu'on l'a nous-mêmes été, on connaît le parcours de la warrior ou du warrior que c'est de décider d'aller poser plainte et de décider de parler. Alors, même sur la charge mentale sociale, comment elle est reçue, quels yeux on a sur nous et sur notre environnement, du coup le regard des gens change. Quand on sait tout ça, croyez-moi, on n'a pas envie de faire un fake, quoi. Il peut y en avoir, mais globalement, c'est une très très très faible proportion par rapport à toutes les paroles qui se libèrent. Donc effectivement, on voit que tout un chacun et chacune, on a un peu une responsabilité à jouer, que ce soit en ton, par exemple, tu vois, par rapport à la sensibilisation, c'est un peu le rôle aussi de ton association, Val. Peut-être j'aurais aimé poser aussi une question à Cerise sur le rôle de la presse. Qu'est-ce qu'il pourrait avoir sur quel rôle peut avoir la presse sur cette question tant de la dissociation entre hommes et artistes, mais aussi du fait que ça légitime des violences sexistes et sexuelles. Alors peut-être pour la presse, dans un premier temps, ne pas chercher à traiter la question des violences sexistes et sexuelles dans les milieux de l'art uniquement à travers cette question de « il faut absolument une réponse à « doit-on distinguer l'homme de l'artiste ?» parce que vraisemblablement, quand on la pose mal. Quand on la pose, on veut une réponse vite. Quand on la pose, on se coupe des discours, on se coupe de toutes les réflexions collectives qu'on pourrait avoir autour de ça. Et donc, ça conduit à un pugilat du débat, globalement, avec des gens qui sont très très pour et des gens qui sont très très contre. Ça mène pas à grand-chose. Moi, j'ai le sentiment, pour faire un peu un retour sur ce qui s'est passé chez nous, professionnels des médias, bien qu'on se ressemble pas tous, j'ai l'impression quand même que le mouvement MeToo a inversé une espèce de, a inversé un schéma, parce que tous autant qu'on est professionnels des médias, avant ça, on avait tendance à considérer que dans le milieu de l'art, les femmes jouaient de leur corps pour avoir des rôles, des postes. Pour avoir quelque chose. Et MeToo a permis de prendre conscience qu'on était complètement à côté de la plaque et qu'en fait, les nanas couchaient pas pour avoir des rôles, mais que les nanas étaient violées et qu'en échange, peut-être, éventuellement, elles avaient un rôle. Donc ça, je pense que, de manière générale, ça a quand même relativement bien infusé notre profession. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait ? C'est pareil, ça mériterait des discussions collectives de la profession. C'est pas quelque chose qu'on fait beaucoup, les discussions collectives dans la profession. C'est un peu dommage. Maintenant, chacun dans son propre titre. Je crois que c'est Gisèle Sapiro tout à l'heure qui parlait de cette réflexion collective à mener, notamment dans le milieu du cinéma. Je pense que c'est pareil chez nous, en fait. Comment on traite d'un sujet ? Si je décide de le traiter, j'ai peut-être pas raison. Donc, toi, copain, toi, copine, qu'est-ce que t'en penses, à ton avis ? Qu'est-ce que je peux ajouter comme élément ? Quel type de personne je peux aller voir ? Comment je peux enrichir mon article ? Ne surtout pas se fermer de porte. Et puis, très certainement, faire une vraie distinction entre ce qui peut être du buzz qui va nous amener de l'audience, parce que malgré tout, de la même manière que pour un festival de musique actuelle, on vit aussi de notre audience. Qu'est-ce qui va être de cet ordre-là et qu'est-ce qui est de notre responsabilité en tant qu'accompagnant de la société dans ses évolutions ? Et aujourd'hui, on a une responsabilité de dingue. On est là pour accompagner la société dans ses transformations, y compris les prises de conscience et surtout les prises de conscience. Ça doit revenir absolument au centre du jeu et laissons le buzz de côté. Peut-être juste pour finir, c'est un débat qu'on avait un petit peu aussi avec Delphine sur le fait que peut-être l'une des questions à se poser, c'est est-ce qu'on a envie encore de faire partie de l'institution qui a justement produit cette image de l'artiste intouchable, de la liberté d'expression, du génie, du don, etc., de tout ce qu'on a pu parler aujourd'hui. Est-ce que c'est peut-être une porte de sortie qui est possible ? Alors pour resituer notre conversation, c'était aussi basé sur les écrits, par exemple, de Françoise Vergès ou d'Olivier Marbeuf, qui, d'une perspective postcoloniale et décoloniale, regardent les institutions, en particulier des musées. Ils disent, mais en fait, c'est bien beau de vouloir faire des expositions décoloniales, de poser toutes ces questions-là, mais en fait, si la structure matériel du musée reproduit exactement et fabriqué par une hiérarchie de race, de genre, de classe, en fait, si dans cet univers-là on fait des expositions, qu'est-ce que ça va changer si la structure autour ne bouge pas? Et aussi texte aussi de Bell Hooks dont je parlais encore hier, mais qui moi m'avait vraiment beaucoup marqué au moment où j'ai commencé ma pratique artistique et mon doctorat en art. et que je me retrouvais face à tout un tas de boys club et de trucs d'invisibilisation, et je me demandais mais quoi faire, dois-je conquérir cette scène comme vous en parliez avant, mais en fait cette scène ne veut pas de moi, si moi je veux et mes amis en fait on veut exister, on va devoir se battre, et du moment qu'on aura le dos tourné, en fait on cessera d'exister. Donc en fait est-ce qu'on n'aurait pas mieux fait d'aller ailleurs, et j'étais tombée, donc c'est dans Tout le monde peut être féministe, et je crois que, alors je sais plus dans quel chapitre c'est, mais et du coup Bellux dit mais en fait pareil, notre ascension sociale en tant que femme, ou que ce soit en tant que minorité de genre, en tant que minorité dans ces espaces là qui sont oppressifs de toute façon, notre statut social, si on surmonte, on le fera toujours sur le dos d'autres gens qui travailleront pour nous, qui vont nettoyer les trucs à notre place, qui vont travailler à notre place, qui vont faire notre com, et qui, en fait, ça restera toujours la même structure derrière. Donc, au final, enfin, voilà, je suis restée avec ça. Ma jeune carrière d'artiste reste face à ce mystère insondable de comment est-ce qu'on peut exister sans faire vivre ça. Est-ce qu'on n'a pas d'autre choix que créer d'autres choses à côté? Et on en parlait pareil hier dans notre atelier d'écriture. On se dit, mais enfin, pour moi, c'est assez évident que comparé à ce qui se fait en école d'art, ce qu'on apprend dans nos cours, et en fait, j'ai l'impression que le monde qu'on développe dans le militantisme politique ou ce qu'on fait avec nos amis à côté est en fait des fois tellement plus intéressant et tellement plus foisonnant artistiquement que ce qu'on voit et ce qu'on nous invite à faire dans des institutions.